Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Alerte, alerte, alerte! Bongola Matoi. Akende kende akota le roi Alice Baba. Allez mama, tu t'en dis! Bruno Tika en fumo et diamant. Lolo, allez mama! Allez tata! Allez mama, tu t'en dis! Dani Tenderé de Madrid, paradis terrestre, sois bamoudi. Yahweh, rabaisse mon congo! Bawini, Pablo, Mangu, Bandiaya. Bawini, noir, Jojo Mouya, Seke, Vanda de Lipoy, vous a prêté, Bamote, Yonde, Nde. Nanuana, la roi David. Allez, tchama, mon contre mire. Pekis, l'ingénieur de son, Hugues Ouba, Papi Chonias, l'enfant chéri. Opérateur économique, c'est papa. Laisse-moi gémir de ton amour qui me fait vivre. Je me confonds à toi que ma volonté s'envole. Excellence et jeune Diomi Ndongala. Talanga, César Talanga, Misona, Miso, Ekutana, Motema est désactivé, bas sentiment, Yaba, Ene, Tondisi, Nabumunanga. Analinga kiyo na mutima moko yo sala ki tous les jours pene nanga César Congo koli mwanga ve lobata lilo balioko poyo bikisanga na zalia wa sujuzate vital kamere wa polanga kulutu José Endumbe la noblesse oboya nga ve César Congo, Dida se pembe. Colonel Kasongo. Biloko elambami lambami nango ebele kasi ba sauce ekeseni. 3 contre 18, qui a bu, boira. Jumbo na state. Votre honneur, papa Théophile Mbemba. Opération coup de poing, Jacques Mbunda le gouverneur. Le vieux Adam Bombole. Major Van. L'intelligence, c'est prof mon papa, général Sylvain Bouki, force terrestre. Atali solo ya pamba, mon bébé. Atali un petit bisou, le visa qui tonne à merani qui m'embote. Maître Boris l'honorable. Ata souri tiba tiba souta ki ba forme rola chamba di fenoa. Excellence Ingelei photo. Général Ndenge na Brazzaville. Mmh. Bande Yete. Mama mule ke kotika kata fate de pora do pete o pise na tanga wa libela per samela. Très bien, excellence, on va sakani. So ki na sala ki na makoki a komo na nzambe. Ouais, c'est je toi. Nena ebisi a revoir nga probleme oye. Je présente. Voilà. Doni Wikele Arinonga la Yanzambe. Cette fois champion dans Chano Betole, Celio Lobo Roberto Iponte. Yuka Tamaya, Patrick Nimbongo. Aussi bon que Dati de Moukil. Dole Zeni Vila Poyeba Wapa Mastene. Aïe, Nava Sambo Tola Patoko. Mama Silia. Eko Sala Fasi Namotema. La gentillesse et leur simplicité, c'est toi Margot, hein? Wabé Lorango, Général Kitumba, Alain Soudi, Zimamoto, l'investisseur congolais, Jacques de Breton, fidèle de vaincre. Berado, le prince des Amunda, J.C. Chom. Yambalo, Tokumso, Bébino, Bamamate, Mama Monique na Luanda, le cœur de Wera à Paris. Oh, patron mon faoué en point de soin. Absence na yo pembe ni nanga na mona kalokola na bela. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Présence na yo pembe ni nanga na mona kalokola. Allez trouver trésor. Souci et bien gai toto, ma canisele qui na comme yo bela. Francis Molenga. Et Vandelina, un salon pour ça, y'a moins d'atouts, y'a canapé. Et si la cambaille, Blandine Nyanga. N'a bel excès, Massi Marco, ça soit bimi, misé. Y'a ma quitte, n'y en soit. Miss de Miss, Miss de Chame. Au Vandaliba, Francis, n'y en soit, y'a élection, misé, ouro. Tu es belle, si belle. Colonel Kassongo, salon Gabriel. Moi, si qui t'en compte, ma bébé, va s'aliser d'être mon corps. Titi le Valois. Sans qui t'en t'en révélé, la maman va s'en avoir beauté. L'empereur Tchatcho. Oui, va t'en beauté, va tout la mi bali, va le cabango. Alice Baba, c'est la réalité. C'est ça qui crée la déception. Fabien Universel, la Brazzaville, président. Maï, vous me pointez à Katanga, horizon ma samba de Boïté. Ezali, Eza, Eza, Eza, Mabé. Papi Tolak, c'est Ferrisson. Eza, Eza, Mabé. A changé, changé, mi bali, la mando, non boi. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Yoli Maemba. Ezali toi et vite, Eza Eza Eza Mabé. Nere depse na trocadero, Eza Eza Mabé. Papa, je change mi bali na mapo. Mi bran système akoude. Loko la li ke le bali lon alia. Lopi mon susu alia. Loko la bilamba. Nalata pembe, nalata moito. Demo koko British. Bise mwa makeli, okosti la kateo. Minyo chite ya anga na mita na kindu mbate ipo volui. Kesa kitango, ganisa kiri balekoya. Simo pasi, kakomo katina yona kwa mikochola yona ipo. Jose lima kwa tali nefse sunganga. Michela diluya, ya kwa tiyama yoko. Ishu debola franki na kwa mkombe ya sote. La lima kela. Uuna tango nangana Joel foto metenge. Denge na kuma yoko boya sule bangala tate. Frankie Lambert, Nalata Pembe, Nalata Mouillo, Nakolone Laya. chopanga. Mosolo baka baka ya mosina bomoi. Miso ki peta la kamosika teno kyo komungi san vision pere binda. Matiti no se zandunda te. Koluna lula na mesana te. Na mesana te. Andi manaka. Elela! Elela ni susu! Ewa! Sekondo ya machine. Wili lumina frappe encore lamba ni lamba. Eh? Chefferi Mozango Carlos Cala la tornado bonistona. Oye le bilo kwa mbosa la mangwe Geba abule noke na sima Usle, Nomi Oye le bilo kwa mbosa la mangwe Bule doke na sima Sele, Matuba Olivier Mokulu Roger Mwanangele Binose, Biden, Sima. Biden Sele, Matutu Sele Banzela Mikili Tsunga Germain Banzela Brasa Bongo Mundele Amama Simba Bonga kama tatuna lutale Staff le petole na chibango tini mchanga Bazuru na bandal bana chechini rompo e kipuanza tobosa nite Ale mwana maso ya tunga mansu tueta la linga mumanga Ala kia linga ama ya la guerre de santa bandal Kapa yo Yuka lo boko wa Bopo de fei Nana Kole li sabate Sombre Yote Sous ma campagne du double. Okay. ya yoka. Eta major de papika kol se bondo na fianga. Menage pa le chosana. Foto Joel va na pendenge bo. Aywa. Y a Mama Adèle, Mama Angèle Mwambo, Premier ministre de Samuel Eka. Charlie.